said they are in paradise. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le nom du général de Gaulle à la demande d'adhésion des Britanniques à la Communauté économique européenne. Notre invité, Sylvain Kahn, bonjour. Bonjour Fabrice Drouel. Merci d'être avec nous. Vous êtes un historien et géographe, professeur à Sciences Po, spécialiste des questions européennes. On vous entend régulièrement d'ailleurs sur France Culture, hein, en tant qu'invité récurrent du club de l'émission intitulé « Du grain à moudre ». Et vous, alors comment dire, vous écrivez, vous animez un MOOC. Intitulé Géopolitique de l'Europe, MOOC multimédia, c'est ça? Dites-moi un mot de... C'est ça. Un MOOC, c'est très simple. Il y a à la fois de la vidéo, comme sur YouTube, du son, comme les podcasts, des textes à étudier, des QCM, des quiz, toute interactivité. Et il y a même des jeux de rôle, des serious games, comme on dit en bon franglais, puisqu'on parle du Royaume-Uni aujourd'hui. Ouais. Et voilà, et tout ça est en ligne, gratuit, libre d'accès. Et d'ores et déjà, il y a 17 000, il y a une communauté, comme on dit, de 17 000 apprenants qui sont inscrits sur ce MOOC qui a d'abord été mis en ligne sur la plateforme FUN, F-U-N, qui est la plateforme française, et qui maintenant est en ligne sur une plateforme Coursera qui dépend de l'université de Stanford. Voilà. Bravo. Et ça s'appelle Géopolitique de l'Europe. Nous sommes donc en plein dans le sujet. Alors nous l'avons raconté dans le récit. L'histoire de l'Union européenne est finalement assez jeune, hein, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Quand Churchill prononce son discours en Suisse, ils ne sont qu'une poignée finalement à soutenir l'idée d'une union politique. Et puis, on signe le traité de Rome en 1957, qui est un traité essentiellement économique. 60e anniversaire cette année. Et absolument. Quelle est la position, il y a donc 60 ans, des Britanniques par rapport à ce traité de Rome? De quel œil voit-il cela? Ah ben, ça leur plaisait pas du tout, hein, le traité de Rome aux Britanniques, puisqu'ils ont cherché, comme vous l'avez rappelé dans votre récit, à créer une association européenne de libre-échange, oui, connue sous le nom de AELE. Et cette AELE, bon, finalement, ça a été une petite chose. Il y avait 7 États membres, et pas parmi les plus importants économiquement. Il y avait... Et ça marchait pas très bien, mais en plus. C'était une simple association de libre-échange. Et c'est vrai que comme à côté, il y avait un véritable marché commun, c'est-à-dire une union douanière avec des règles décidées en commun dans un cadre supranational. Eh bien, économiquement, le marché commun a apporté beaucoup plus aux 6 États membres, donc la France, l'Allemagne de l'Ouest à l'époque, le Benelux, donc Belgique, Hollande et Luxembourg, et enfin l'Italie. Ça leur a apporté beaucoup plus, cette CE, que l'AELE n'a apporté aux 7 États membres. Il y avait le Portugal, le Royaume-Uni, l'Islande, enfin bon, c'était de toute façon beaucoup moins... Le poids économique était beaucoup moins important. Mais en fait, ça, ce n'était qu'un ersatz. Parce que le projet des Britanniques, pour répondre à votre question sur le traité de Rome, c'était en fait de concurrencer et de noyer le projet de communauté économique européenne dans un vaste ensemble de libre-échange, parce que finalement les Britanniques étaient persuadés que la CE ça marcherait pas. Ils sont très cohérents. Dès le départ, en 1957, comme aujourd'hui lorsqu'ils ont voté pour le Brexit, ils pensaient dans leur majorité que c'était un espèce de machin, comme a dit à un moment donné le général de Gaulle à propos de l'ONU, oui. C'est un espèce de machin bureaucratique, technocratique, que ça fonctionnerait pas d'ailleurs. Et du coup, ils étaient persuadés que finalement, réalisme aidant, tous les États de l'Europe se rallieraient à leur projet d'association européenne de libre-échange. Ils avaient même été jusqu'à dire, écoutez, créez le marché commun, et puis quand ce marché commun sera créé, eh bien, il n'aura qu'à adhérer à notre association européenne de libre-échange. Ça veut dire que la Grande-Bretagne, enfin le Royaume-Uni, soyons précis, le Royaume-Uni se considérait au lendemain de la guerre comme la puissance victorieuse en Europe et qu'elle avait de ce fait une légitimité à avoir le leadership sur ce continent, c'est ça ou pas ? Mais ce que ça masque surtout, Fabrice Drouel, c'est qu'en fait, dans l'immédiate après-guerre, on va dire entre 1945 et 1950, jusqu'à la création de cette fameuse CECA que vous avez rappelé, la communauté européenne du charbon et de l'acier, lancée par le fameux discours de Schuman le 9 mai 1950, en fait, les Britanniques et les Français n'étaient d'accord sur à peu près rien. Ouais. Voilà. Et notamment parce que les Français les partis français dans leur ensemble, la majorité politique des Français dans son ensemble. On était encore à se demander, je me rappelle plus de qui est cette fameuse formule, c'est un ministre, je crois, qui disait « j'aime tellement l'Allemagne que je préférerais en avoir 5 ». Oui, oui. Hein, voilà, bon. Alors que très rapidement, les Britanniques, comme vous l'avez magistralement rappelé avec cet extrait du discours de Churchill à Zurich en septembre 46, très rapidement, les Britanniques ont compris qu'on changeait d'air et que face à la menace soviétique, il convenait de jeter les vieilles rancunes par-dessus bord et donc de faire l'unité des Européens, c'est-à-dire d'abord la réconciliation franco-allemande. Mais pendant quelques temps, grosso modo 5 ans, les Français ont caressé l'idée qu'ils allaient pouvoir faire une espèce d'axe franco-britannique pour, disons, tenir l'Allemagne dans une position un peu inférieure. Mais de cela, les Britanniques ne voulaient pas, pour la raison que vous avez rappelée, à savoir leur attirance ou leur amour du grand large, le Commonwealth d'une part, et la relation spéciale... avec les États-Unis. Et alors justement, puisqu'on parle des États-Unis, éclairez-moi sur un point qui est le point pour moi le plus obscur de cette histoire. Les alliés américains auraient poussé les Anglais à se porter candidats. Est-ce que c'est vrai et oui. Pourquoi ? Oui, c'est vrai. Mais c'est parce que... Pourquoi ? Parce qu'en réalité, depuis le début, depuis l'immédiate après-guerre, les Américains sont partisans d'une union des Européens sous quelque forme que ce soit. C'est-à-dire que, contrairement à ce que on croit lorsqu'on ne se rappelle que des années 60, on oublie que dans les années 1945-1957, les Américains, pour tout un tas de raisons, dont on peut rappeler les principales, poussaient les Européens à s'unir et donc n'étaient pas très contents des réticences britanniques. Bien sûr. C'est ça qui s'est passé, en fait. Parce que, pour une raison très simple, d'abord, les Américains se sont dit, dites donc, on est intervenu deux fois en moins d'une génération, en moins de 25 ans, pour venir régler vos problèmes de quasi-guerre civile, on aimerait bien que ça n'arrive pas une troisième fois. Ouais. Parce qu'il faut pas l'oublier, quand même, c'est un énorme engagement de la part des Américains. Ils ont leur raison de le faire, mais après tout, ils auraient pu tout aussi bien ne pas le faire. La deuxième raison, c'est que ils sont persuadés que, dans le cadre de la guerre froide, il faut une Europe de l'Ouest non seulement unie, mais prospère. Parce qu'une Europe qui ne serait pas prospère risquerait de céder aux sirènes du communisme, bien sûr, et de l'Union soviétique. On est toujours dans cette dialectique géopolitique des deux blocs, là. Les deux blocs... Elle se met en place à partir de 47. Ça se met en place à partir de là, et ça a une influence, surtout y compris sur la construction européenne, vous venez de dire. Alors maintenant, passons aux motivations réelles du général de Gaulle. Est-ce que la thèse selon laquelle il considérait que les Anglais intégraient, les Britanniques intégrés dans l'Europe, c'était le cheval de Troie des États-Unis. Est-ce qu'il le pensait vraiment, cela ? Est-ce que c'était bien ancré dans son esprit ? Oui, il le pensait vraiment. Et là aussi, pour une raison qui a été rappelée lorsque vous avez passé cette archive formidable d'un extrait de la conférence de presse du général de Gaulle en 63, surtout pour des raisons stratégiques et militaires. C'est-à-dire que, effectivement, le général de Gaulle poursuivait. Alors, tout le monde croit que c'est que lui, mais en vérité, l'effort consistant à doter la France de l'arme nucléaire date de la 4e République. On l'oublie trop souvent. Ou du moins, le général de Gaulle a été tellement bon en communication politique qu'il a fait en sorte que tout le monde l'oublie. Mais il poursuit cet effort. Et donc, en effet, pour lui, c'est absolument rédhibitoire qu'il y ait un lien entre le Royaume-Uni, la France et l'Europe, dès lors que le Royaume-Uni mettrait sa propre dissuasion nucléaire dans une alliance militaire et technologique avec les Américains. À ce propos, on dit que la coopération sur la recherche pour la bombe atomique entre les Anglais et les Français aurait été une sorte de deal. C'est-à-dire que au moment où les Soviétiques, les Américains, le Royaume-Uni possèdent la bombe atomique, la France ne la possède pas et n'arrive pas à trouver la formule. Et on dit que il y aurait eu un deal. Les Anglais auraient aidé les Français à trouver la formule en échange d'une adhésion enfin acceptée des Britanniques à l'Union européenne. Ça fait partie de l'histoire fantasme. C'est en effet ce qu'on dit. Ça fait partie des choses qui sont très difficiles à prouver historiquement parce que on est quand même sur des archives qui sont encore classifiées ou très secrètes pour une grande partie d'entre elles. Mais effectivement, c'est comme vous le savez, les Britanniques évidemment ont très mal pris, en particulier la première fois, mais même la deuxième fois, ils ont très mal pris le refus du général de Gaulle et ils ont diffusé ce qu'ils ont appelé des conversations secrètes qui avaient eu lieu entre le général de Gaulle et l'ambassadeur britannique de l'époque, de manière à décrédibiliser le général de Gaulle qui a pu tenir, là effectivement les papiers sont sortis, un double langage dans les années 66-67 aux Britanniques. Et enfin, est-ce qu'il faut voir dans la réaction, l'attitude du général de Gaulle comme une sorte de revanche de ses années Londres et de la façon dont il avait pu être traité par Winston Churchill? Il me semble que ces deux messieurs, qui étaient quand même de grands messieurs, avaient aussi de grands égos. Alors, on peut le penser, bien sûr, mais ce qui est certain, c'est que dans sa politique de grandeur qui était celle du général de Gaulle pour la France, il y avait aussi quelque chose finalement d'assez simple ou d'assez trivial, c'est qu'il était persuadé que avec le Royaume-Uni au sein de la CEE, ça serait plus compliqué pour la France d'être finalement le pays incontournable qui avait vraiment une position de leadership. Alors, au bout du compte, l'affaire se règle. En 73, les Britanniques intègrent la famille. Mais alors, le compagnonnage avec les Britanniques est pas facile, hein, puisque 6 ans plus tard, une première crise majeure débute. Nous sommes le 30 novembre 1979 à Dublin. Et Margaret Thatcher sort sa fameuse phrase « I want my money back ». Rendez-moi mon argent. Et on en a beaucoup parlé. Quelques mois plus tard, elle s'en est expliquée devant Jean-Pierre Elkabbach et Alain Duhamel dans l'émission « Carte sur table ». On va l'écouter. Madame le Premier ministre, bonsoir. Depuis 10 mois, vous gouvernez ce pays, la Grande-Bretagne. Pour les Français, depuis que vous êtes Premier ministre, on a l'impression que la Grande-Bretagne est plus critique, peut-être même destructrice et en tout cas négative sur tous les problèmes européens, et plus attirée à nouveau vers le grand large. Négative quant aux problèmes européens, mais vous voyez ce que nous contribuons à leur, par exemple les pêcheries, 60% des résultats de pêcherie proviennent de Grande-Bretagne. Nous avons un grand potentiel commercial pour l'Europe. Après tout, l'Europe exporte beaucoup plus vers la Grande-Bretagne que vice-versa. Nous sommes un marché très précieux pour les Européens. Et puis, si vous en venez au budget, nous apportons la contribution la plus importante. Et c'est là un problème pour nous. Bah, c'est le début d'un pied dedans, un pied dehors, hein, qu'on a défini souvent la politique européenne des Britanniques de cette façon-là. Quelle a été la politique de Margaret Thatcher? Je m'arrête sur elle parce que, après Winston Churchill, c'est quand même probablement le chef de gouvernement qui a le plus marqué, hein, l'histoire britannique de l'après-guerre. Bien sûr. Mais en fait, alors, vous savez que la fameuse phrase que vous avez rappelée, I want my money back, ouais, elle a été prononcée donc en marge du Conseil européen de Dublin. C'était le premier conseil des chefs d'État et de gouvernement auquel participait Madame Thatcher, qui avait été élue quelques semaines avant. Et on n'a pas d'enregistrement, hein, télé en tous les cas. Mais sinon, on l'aurait passé, évidemment. Ce serait voilà, un plaisir de le passer. Évidemment. Hein. Et donc, pour autant qu'on ait pu la reconstituer pendant cette conférence de presse, la phrase exacte est « Nous demandons, disait-elle, à être très largement remboursés de notre propre argent ». Et elle précisait « Je ne parle que de notre argent et pas celui de quelqu'un d'autre ». Et là, en fait, c'est une partie de la réponse à votre question, c'est-à-dire que depuis que les Britanniques étaient entrés dans le marché commun, donc en 1973, ils considéraient que leur contribution au budget communautaire était trop élevée. Ils le considéraient, notamment en prenant d'autres critères. Est-ce que c'est vrai? On peut dire c'est vrai ou pas? Eh ben, c'est de regarder les chiffres. Ça dépend du critère. C'est-à-dire que si on prend le PNB, puisque la contribution d'un État membre au budget communautaire à cette époque est assise, c'est une proportion du produit PNB national brut. Alors si on prenait le PNB, c'était faux, c'est-à-dire la revendication britannique était inexacte, mais comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, les Britanniques étaient entrés dans une crise économique très profonde dans la fin des années 60. Ils avaient dû emprunter au FMI et eux mettaient en avant notamment un autre critère qui était celui du PNB par habitant. Et si on prenait le PNB par habitant, en effet, le Royaume-Uni était le 8e pays sur 9, donc un des plus, entre guillemets, relativement pauvres. Ouais. Il y avait notamment cette raison-là. Et surtout, Madame Thatcher a fait quelque chose qui a pas mal changé la construction européenne par la suite, c'est que elle a mis en avant ce qu'on a appelé par la suite la loi du juste retour. C'est-à-dire, elle a dit que les contributions au budget communautaire d'un État membre devaient être proportionnelles aux recettes qu'un État membre recevait du budget communautaire. Ce qui, jusqu'à présent, n'avait jamais été fait. Parce qu'on considérait que, si un pays comme l'Allemagne, on va dire, en proportion, payait plus que ce qu'il recevait, de toute façon, c'était pas grave, parce que l'esprit communautaire prévalait, et que, de toute façon, c'était pas des sommes énormes comparées au budget d'un État ou du PNB. Mais les Britanniques sont les premiers à avoir fait ce calcul-là, et pour vous la faire très rapide, grosso modo, on leur demandait de contribuer à hauteur du budget communautaire à hauteur de 20%, oui, alors qu'ils ne recevaient que 10%. Mais s'ils ne recevaient que 10%, c'est parce que c'était un pays déjà beaucoup moins agricole que la France ou que l'Allemagne, et par conséquent, ils recevaient beaucoup moins de droits de douane, ces droits de douane qui étaient perçus par l'ensemble de l'Europe. Bon, bref, si vous voulez, donc on pouvait discuter pendant des heures, parce qu'il y avait autant d'arguments pour justifier le raisonnement de Madame Thatcher que autant d'arguments que pour justifier le raisonnement des huit autres. Voilà. Et donc, Madame Thatcher était sur ses positions, les autres étaient sur ses positions, et ça a créé une crise budgétaire qui a duré 5 ans, puisqu'elle n'a été résolue qu'en 1984, par le fameux sommet de Fontainebleau, voulu par François Mitterrand. Alors, vous, qui connaissez si bien cette affaire-là, les affaires européennes, est-ce que vous avez été surpris du vote des Anglais il y a 6 mois, ben oui, quand ils ont décidé, ben oui, de partir? Je vais pas vous baratiner. Je pensais vraiment pas que le oui passerait pour le Brexit. Je pensais pas que ça serait un oui franc et massif. Enfin, plutôt que ça serait un non franc et massif. Mais je pensais pas que le Brexit passerait. Parce que, effectivement, si on regarde... On va voir là, si vous voulez, ce qui est très intéressant avec la situation actuelle, c'est que on a, comme dans une espèce de laboratoire grandeur nature, une expérience vivante, ce dont rêvent tous les enseignants-chercheurs. Hein, on va voir comment les Britanniques vont s'en tirer en quittant l'UE et qu'est-ce que ça va leur apporter. Est-ce qu'ils vont bien s'en sortir? Est-ce qu'ils vont pas bien s'en sortir? Et ça va sûrement jouer un rôle tout à fait important dans les conclusions que vont en tirer tous les autres peuples. Voilà. Mais en tous les cas, pour répondre à votre question, je ne m'y attendais pas. Je pensais qu'une majorité de Britanniques, même à 51%, voterait pour le in, pour rester, pour le maintien. Alors, en juillet 2016, justement, pour rebondir à ce que vous dites, quelques semaines après le Brexit, Boris Johnson, nouveau chef de la diplomatie britannique, est en France. Et on va écouter sa déclaration, vous allez voir, il se veut évidemment rassurant. J'espère avoir était clair sur le fait que même si le Royaume-Uni a voté pour quitter l'Union européenne, nous ne quittons pas l'Europe pour autant. Et nous allons vouloir être la plus proche possible de nos alliés, et tout particulièrement de la France, au cours des prochaines années. Je souhaite saisir à nouveau cette occasion de remercier Jean-Marc pour votre accueil. Nous avons d'ores et déjà commencé à développer une relation de coopération étroite et j'espère qu'elle continuera encore longtemps, alors même que nous faisons face à de nombreux défis ensemble, en tant qu'amis et alliés. Le Jean-Marc dont Boris Johnson parle, c'est Jean-Marc Ayrault, hein, qui est son alter ego, qui est ministre français des Affaires étrangères. Quelles sont, selon vous, les prochaines étapes du Brexit? Qu'est-ce qu'on sait, finalement, des objectifs de Madame Theresa May, première ministre? On n'est pas sûr qu'elle les connaisse elle-même, ses objectifs, parce qu'elle est... Elle navigue à vue? Elle est dans une situation qui est très compliquée, Madame May, parce que Madame May, pendant la campagne, il faut quand même se rappeler que Boris Johnson était l'adversaire du Premier ministre de l'époque, David Cameron, qui lui était, bien qu'ayant déclenché la procédure référendaire, n'était pas pour le Brexit, tandis que Johnson, qui était du même parti, était pour le Brexit. Madame May est restée assez discrète, mais avait plutôt soutenu Monsieur Cameron. Et donc aujourd'hui, Madame May doit gérer quelque chose de très compliqué, qui est que son camp, le Parti conservateur, est en réalité coupé en deux, entre ceux qui estiment que Johnson, en particulier, s'est comporté comme un véritable traître, opportuniste, comme un incendiaire pyromane et pompier en même temps. Donc, ils sont dans une situation très compliquée, surtout que face à cela, contrairement à ce que les Britanniques, enfin là je parle bien entendu du gouvernement, escomptaient, il y a une unité forte de la part des 27. C'est-à-dire que pour l'instant, il n'y a pas de faille. C'est pas possible de trouver, on va dire, deux camps au sein des 27, entre ceux qui diraient, bon, soyons plutôt compréhensifs, soyons plutôt cool avec les Britanniques, ne les forçons pas à avoir des négociations trop dures, et ceux qui diraient, il faut, comme on dit dans le jargon, un hard Brexit, un Brexit dur. Pour l'instant, les 27 sont durs. Michel Barnier a été nommé auprès de la Commission européenne comme, on va dire, un peu commissaire spécial chargé des négociations pour le Brexit. Et pour l'instant, le Royaume-Uni est en difficulté parce que à l'intérieur du Royaume-Uni, beaucoup de, comment on pourrait dire ça, d'un certain nombre de forces économiques et sociales qui étaient pour le maintien ne facilitent pas du tout la tâche du gouvernement. En quelques secondes, comment vous résumeriez-vous la relation entre le Royaume-Uni et l'Union européenne à travers 40 ans d'histoire, un peu plus même dire. On peut commencer avec les négociations pour l'adhésion. En quelques secondes, vraiment, oui, 15 secondes. Écoutez, je dirais que c'était « je t'aime, moi non plus ». Oui, c'est ça. Très bien, merci Sylvain Kahn. Je rappelle l'endroit où il faut aller cliquer pour en savoir plus sur l'Europe et sa géopolitique grâce à votre MOOC qui s'appelle Géopolitique de l'Europe. Merci, au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le nom du général de Gaulle à l'entrée de la Grande-Bretagne, du Royaume-Uni, pardon, dans l'Europe. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, la fiction, elle sera consacrée au couple Montand-Signoret et à son engagement politique. Bonjour Vincent Josse. Bonjour Fabrice. Comment va votre engagement artistique et musical? Il me faudrait 4 heures. Oui, j'imagine. Alors, mais tout va bien. Bon, alors pendant une heure, qui recevez-vous? Nous allons rendre hommage à Georges Prêtre, disparu récemment, oui, le 4 janvier. Et je dis nous parce qu'il y a Christian Merlin, qui est critique musical au Figaro et qui l'a vu une bonne douzaine de fois diriger. Donc il a beaucoup de choses à nous dire. Très bien. À tout à l'heure, Vincent. Merci.